Puisque j'ai mis ma lèvre à ta bouche encore pleine, puisque j'ai dans tes mains posé mon front pâli, puisque j'ai respiré parfois la douce haleine de ton âme parfum dans l'ombre ensevelie. Beau les cœurs! Suite à l'action Slam à l'âme triféconde en 2018, le collectif des radios locales des Vosges a lancé un nouvel appel poétique, une action soutenue par les collèges lycées des Vosges, notamment les collèges du Thiot de Contrexéville et le lycée de Bruyères, par les médiathèques du département, par Culture C'est Nous et les associations littéraires des Vosges. Des prix du public seront attribués. Vous, auditeurs, êtes donc appelés ainsi après chaque émission à nous faire part de vos coups de cœur. Un regroupement des meilleurs poèmes créera donc un lien final. Et aujourd'hui, pour notre 7e émission, Vincent, Chris et moi vous lisons la suite des textes des premières S1 et premières S2 du lycée de Bruyères. Très bonne écoute. Allez-vous-en avec vos feuilles toutes fanées. J'ai dans l'âme une fleur que nul ne peut cueillir. Votre élan le heurtant. Guillaume Houssemont, première ES2. Flip. Entre ses parents, il attend devant l'école. Il guette et observe leur petite fiole. Regarde voyeur entre leurs guiboles, éternel insatisfait à la recherche d'un envol. Prisonnier isolé de la société, cafouillage de ses pensées dérangées, déguisé en humain semblant d'humanité, même sa vie ordinaire hypnotisée, lobotomisée, caméléon de la communauté. Cloîtré dans ses dogmes accablants, enfermé dans la prison qu'il a lui-même bâtie, il ne trouve l'évasion qu'à la nuit, souffle presque éteint, gâchis d'une vie. Âme froide dans un corps trop chaud, j'ai vu plus d'humanité chez les animaux, mais comment lui dire ce qu'il faut, comment lui faire comprendre ce qu'il vaut? Réussite illicite, l'évêque Yann, première ES2. Certaines substances interdites, comme des trésors illicites, vendus à des personnes en déficit, malheureusement pas gratuites, ces prétendues pépites. Ok, elles vous mettent sur orbite, mais elles signent ta fuite, ta faillite. Fini l'effet dynamite, même avec dose petite, elles arrêtent la fête et signent ta défaite. Méfie-toi, ça va très vite. Tu peux pas les prendre pour Aphrodite. Dire non, c'est quand t'as du mérite, ou que tu connais tes limites. Alors même pas commencer, je vous y incite, le monde meilleur du shit, c'est qu'un mythe. Même si t'as l'impression de maîtriser ta conduite, dans le monde tu te conduis en ermite. Faut arrêter avant de franchir la limite, rien n'est plus beau que la vraie réussite, celle de pas toucher à ces drogues illicites. Prouve aux autres que c'est toi la pépite. Les plus beaux, par Marie-Élise Ully, première ES2. Les plus joyeux sont les chants les plus beaux. Et j'en sais de vivants qui sont de plus joyeux, lorsque le cygne après son long voyage, dans le soleil levant, retourne à ses herbages. Ses petits réveillés nagent sur le lac scintillant, en le voyant de loin glisser majestueusement, déjà sûrs de partager ensemble une proie, ils rejoignent leur père avec des cris de joie. Les repas joyeux que les poètes servent à leur fête ressemblent la plupart du temps à ceux de ces oiseaux blancs quand ils cherchent ainsi l'espérance comblée. La joie, l'amour, le bonheur et la volupté, c'est une mélodie à dilater le cœur. Leur musique nous comble de bonheur, elle trace dans l'air un cercle éblouissant. Il y pend toujours quelques gouttes de vif argent. Chaboun Safouan, première ES2, inégalité. Pour commencer, les inégalités nous ne faisons qu'en hériter. Couleur de peau vient initier, délice de la population divisée. Tous les jours nous sommes traqués, sur nos fronts il y a marqué des traqués. La police pour nous contrôler, tout le corps va nous palper, seulement parce qu'on est coloré. Inégalité ordinaire, t'as pas le choix, faut y faire mon frère. Les rebeux, on est tous S fichés, par les flics c'est faux justicier. De terroristes on est suspectés, et des blancs on devient la risée si on finit déscolarisé. Alors faut arrêter vos sales idées, les journées doivent bien se terminer. Que tu sois black, blanc ou beurre, comme tout le monde, t'as le droit à l'égalité du cœur. La rose de Perrottet Ivaël, première ES2. Épine du grand mal, ronce du malheur, vous qui blessez et déchirez les cœurs, aiguillon maléfique sans douceur, aiguillon nocif sans couleur, horrible merveille stupéfiante, vos venins trop longtemps nous désenchantent. Quand viendra la vraie beauté, l'icône parfaite de l'amour absolu vénéré, toi, la rose magnifique, idole de clarté, sous ton charme je me laisserai emporter. Ton seul parfum transporte au monde rêvé, rouge fragrance d'un amour éthéré, toi seul parviens à me détacher de ce monde détesté, épine du grand mal, ronce du malheur, vous qui blessez et déchirez les cœurs, vous ne pouvez rien contre ma rose du bonheur. La guerre, par Lola Béjot, première S1. En voyant les balles que les corps arrêtent, j'ai plus qu'une question en tête. Mais la guerre, ça sert à quoi? Quelque chose que je comprends pas. J'en ai marre de voir du sang sur terre, marre de voir des enfants que leurs parents enterrent. Mené par l'espérance d'hisser ton drapeau, tu vois la vie comme un jeu vidéo. La mort et le sang sont difficiles à voir, même si le faire couler, c'est ton devoir. Pourquoi déjouer la vie alors que tu pourrais la trouver si jolie? Lorsque ta guerre sera finie, tes enfants te diront merci. Arrête de négliger la beauté de la vie, même si t'as la larme à l'œil à chaque fois que tu souris. Pense à toutes les belles journées, à toutes les nuits passées à danser. Tu peux pas passer ta vie à tuer, alors qu'il y a tant d'instants à savourer. Je te laisse plusieurs choix, jouer avec ton heure, c'est ton droit, ou te faire ta vie un bonheur si t'as la foi. Allez, va, laisse parler ton cœur pour une fois. Amuse-toi, lâche-toi, frime pour la rime, slam pour madame, ris pour ton âme et arrête ces drames. Un dernier conseil d'ami, profite de la beauté de la vie parce que la guerre, c'est qu'une saloperie. Nature par Évoi Durepoix, première ES2. Pendant des années, on a volé des hectares de forêt par milliers pour éliminer petit à petit toutes les potentilles qui s'agglutinaient et s'empilaient tout autour de la ville. Nos consciences en mutation n'attendent qu'un peu d'action pour construire nos vies de demain. Sinon, sans le demain, est-ce notre destin? C'est ce qu'il nous dit, lui, hein? Il se retrouve face au mur, sans le murmure de la nature. Il nous souffle qu'on a tort face à la faune, face à la flore. Mais qu'ont-ils fait de ce décor? Créons des villes au jardin partagé, semons les graines de la vie oubliée. Dépêchons-nous, c'est maintenant et ici, car la nature et la vie n'ont pas de prix. Monde pollué de Miette Olivia, première ES2. La pollution, elle connaît pas les frontières, elle risque de recouvrir la terre entière. Pollution normale, pollution banale, aux yeux de ce monde bien trop asocial, notre environnement en sérieux danger, par les activités de ces humains bien trop bornés, qui rejettent leurs produits toxiques en pleine mer, qui creusent et abîment le manteau de notre terre. Essayons de freiner tous ces pseudo-progrès, qui nous font avaler toutes sortes de déchets. Arrêtons de nous nourrir de solvants et d'engrais, ce monde-là personne n'en voudrait. Faut trouver des solutions écologiques, faut protéger les nappes phréatiques, faut freiner le réchauffement climatique, faut arrêter de produire du plastique. Apprenons à préserver les ressources naturelles, exploitons les énergies nouvelles, inventons d'autres modes de culture, créons un monde qui respecte la beauté de la nature. Libre, par Capucine Baraban, première S1. Encore un soir accoudé à ma lucarne, j'ai les remords qui s'acharnent, bouffé d'air frais mais surtout de Marie-Jeanne, pour oublier autour ce monde qui ricane, pour oublier ce monde qui cancane. Tous autour qu'on est, on espère trouver notre reine. Mais dans ce monde stéréotypé, comment rester sereine? Tous les jours, la même rengaine, tous vos clichés me donnent la migraine. Je peux plus respirer dans ce monde immonde, besoin d'évasion, de voir de nouveaux horizons, de plonger dans les yeux de Marie-Jeanne, ses beaux yeux couleur blonde, besoin de revoir le soleil qui brûle les yeux, sentir cette brise légère qui fait frémir notre peau, et devant les paysages irréalistes, sentir une dernière fois notre poitrine, revivre ses sentiments, curle nos émotions si violemment qu'on en tombe à la renverse. Encore un soir accoudé à ma lucarne où je contemple les yeux de Marie-Jeanne. C'est elle mon support, ma canne, ma valériane. Elle a l'énergie de ceux qui savent ce que vaut la vie. Elle qu'espère un jour de nouveaux horizons. Elle qu'espère de vivre, trouver une raison. Et si un soir à ma lucarne, tout on oubliait, juste l'espace d'un instant, un enfant, on redeviendrait. Le temps suspendu dans les filets, à nos étiquettes, un instant, on renoncerait. Être libre, être heureux, on pourrait aimer et laisser notre trace, nos rêves, on réaliserait. Juste vivre, vivre vraiment, vivre pleinement, vivre libre, ivre de notre seul présent. Puisque j'ai mis ma lèvre à ta bouche encore pleine, puisque j'ai dans tes mains posé mon front pâli, puisque j'ai respiré parfois la douce haleine de ton âme parfum dans l'ombre ensevelie. Et voilà pour notre septième émission. émission avec les textes de première S1 et première S2 du lycée de Bruyères. Sachez que vous êtes les bienvenus à participer. Faites-nous parvenir vos poèmes sous forme sonore avec fond musical possible par clé USB ou e-transfert à beaulecoeur@radiogemozo.eu ou sous forme écrite. Nous lirons donc les textes sur l'antenne à Radio Gemozo, 8 places de l'Hôtel de Ville, 88 200, Saint-Étienne-lès-Remiremont. Cette émission sera rediffusée samedi à 15h et on se retrouve mercredi prochain pour de nouveaux textes. Très belle journée. Je puis maintenant dire aux rapides années, passez, passez toujours, je n'ai plus à vieillir.